Thank you. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la jam, l'avant-dernière, c'est le mois de juin après. Il reste une. Eh ben oui, Françoise alors. Mais oui, tout le monde avait l'air surpris. Non, il en reste une. Voilà, le 18 juin, elle est annoncée, tu le annonceras tout à l'heure avec le programme. Non, il y en aura encore. Il y en aura d'autres. En tout cas, merci d'être venus, si nombreux, il y a de plus en plus de monde. Merci à vous. Eh bien, je vais passer la parole à Françoise, qui a de belles choses encore à nous annoncer. Il y a encore des beaux concerts à venir. Il y en avait un super. Et il y en a encore. Et là, c'est les derniers aussi du mois de juin. Excusez-moi, j'ai tellement de choses dans la tête en ce moment que voilà, j'ai oublié que ce n'était pas les derniers. Les derniers concerts sont là. Bon, en tout cas, merci d'être venu. On espère qu'il y en aura encore pas mal qui vont arriver, mais comme j'expliquais à mon voisin, c'est ouvert. Ça, on arrive quand on veut, on part quand on veut. Mais en général, quand on arrive, on reste. On reste parce qu'on a de très bons musiciens là sur scène. Et puis, c'est aussi intéressant de voir les musiciens amateurs de la région se mélanger avec les professionnels qui sont sur scène. Voilà. Alors, on est très heureux de vous accueillir pour encore la prochaine jam. Et puis là, j'ai les dates, c'est vrai, c'est le 18 juin. Et puis, je vous annonce aussi, donc, la venue, là, il faut venir vraiment, c'est pour tous les... Tout le monde va aimer parce que c'est de la musique origine guadeloupéenne avec des musiciens de la Guadeloupe. Donc, venez, c'est 3 jours super, vous allez, oui. 3 ans ou 4 ans. Chavirer et zouker. Bon, en tout cas, bonne soirée avec tous les musiciens qui passent sur scène. Et il y a bientôt au concert, les derniers concerts, donc c'est le 6, 7, 8 juin. Et la prochaine jam, je répète, le 18 juin. Bonne soirée à vous tous. Un petit appel le 18. Ah, elle était facile. Hein.